Ay di chéri, yo di ou son jeunesse. Mwen aksepte ke m son jeunesse. Mwen se yo zoazo kape vole. Toujou ma jwenn yon branch pou m pose. Ay di chéri, yo di ou son jeunesse. Mwen aksepte ke m son jeunesse. Mwen se yo zoazo kape vole. Toujou ma jwenn yon branch pou m pose. Joigne aux branches composées.